Tiens, grand-père, je t'ai pris une bière. Oh, merci, ma petite princesse. Dis, grand-père, tu sais pourquoi on lance des feux d'artifice en été ? Ah, ça, c'est une très vieille tradition. Laisse-moi te raconter. Il y a fort longtemps, bien avant que les hommes aient tant de leur pouvoir sur ce monde, le Japon était une terre où le soleil d'Amaterasu brillait en continu dans le ciel. Partout, la nature s'épanouissait et des milliers de fleurs couvraient les champs et les montagnes. En ces temps-ci régnait Himawari, la princesse aux fleurs. On l'appelait ainsi à cause de ses tenues, brodées au motif des multiples fleurs ornant son royaume. C'était une dirigeante juste et aimée par son peuple. Et celui-ci l'a célébré maintes fois en organisant fêtes et festins sans fin. Hélas pour eux, par le moment où sortit des entrailles de la terre, l'Oni connu sous le nom de Kurutama. Sa peau était rouge comme le sang, et il tenait dans sa main droite un gigantesque cordon de fer. Le bruit des fêtes incessantes l'avait réveillé, et désormais à la surface, la lumière du soleil l'aveuglait. Cela le mit très en colère, et dans un mont immense, Kurotama s'élança dans le ciel. De son gourdin de fer, il frappa le soleil de toute sa force. Le choc terrible résonna dans toute la voûte céleste, et le soleil en fut grièvement blessé. Afin de préserver ce dernier, Amaterasu le prit dans le creux de sa main, et l'emmena de l'autre côté du monde pour le soigner. Cependant, en agissant ainsi, elle laissa les habitants de la terre dans le noir le plus absolu. Pour la première fois depuis longtemps, les fêtes se turent. Kurotama avait gagné, et désormais tous les êtres tremblaient de peur en entendant son pas lourd et menaçant, recherchant la moindre lueur. Seul, au milieu de son peuple recroquevillé dans la détresse, la princesse Himawari se redressa et parla ainsi. N'ayez crainte, mon peuple, tout n'est pas perdu. Le soleil ne brille peut-être plus pour nous, mais nous n'avons pas à sombrer dans les ténèbres pour autant. Illuminons le ciel à notre tour. Mais comment faire ? Demanda l'un de ses sujets. Nous ne sommes pas de taille à rivaliser avec Kurotama et son gourdin de fer, répliqua un autre. Même Amaterasu a fui devant lui, conclua un dernier. Devant tant de désespoir, la princesse des fleurs prit à nouveau la parole. Il est vrai que seuls, nous ne sommes que de simples êtres, loin de valoir un Oni. Mais ensemble, unis en une grande famille, nous pouvons rayonner comme le soleil. Suivez-moi, mon peuple, et faisons fleurir la voûte céleste. Ponctuant son récit, la princesse Himawari cueillit alors une des fleurs à ses pieds, puis la lança en l'air. Soudainement, cette dernière s'embrasa en vol et fila tout droit vers le ciel. Arrivée au sommet, elle explosa en une gigantesque gerbe d'étincelles. Tous ceux qui levèrent la tête furent ébahis par tant de beauté. Mais bientôt, le bruit du pas lourd et menaçant de Kurotama fit rejaillir la peur dans leur cœur. L'Oni était en route pour éteindre ces lumières qu'il haïssait tant, et tous redoutaient sa colère. Cependant, et contre toute attente, une jeune fille s'avança alors vers la princesse Himawari. Avec une infinie délicatesse, elle cueillit elle aussi une fleur, et la lança au-dessus d'elle. Tout comme celle de la princesse Himawari, la fleur s'embrasa et partit dans les airs pour y exploser en mille paillettes ardentes. Le courage dont avait fait preuve la jeune fille redonna de l'espoir au peuple. L'un après l'autre, les sujets du royaume vinrent cueillir une fleur, et jamais le ciel ne fut aussi étincelant que cette nuit-là. Devant tant de lumière, tant de bruit et tant de joie, Kurotama recula et prit la fuite vers les entrailles de la terre d'où il était venu. Voyant cela, Amaterasu fit revenir le soleil de ce côté du monde, et ainsi prit fin la toute première nuit des temps. Toutefois, le soleil n'étant pas complètement guéri de la blessure infligée par Kurotama, Amaterasu se mit à le déplacer chaque soir pour continuer ses soins. Et afin de ne plus jamais laisser la terre dans le noir, son frère Tsukuyomi déposa dans le ciel la lune et des milliers d'étoiles. Ainsi, tous ceux qui lèveront les yeux vers la voûte céleste se rappelleront que, si seuls on est petits, ensemble on peut illuminer le ciel. C'est ainsi que commencèrent les jours et les nuits tels que nous les connaissons. Enfin, lorsque vient l'été, quand le soleil est au plus fort et la colère de Kurotama gronde à nouveau dans ses veines, nous revêtons nos yukata fleuris pour rendre hommage à Himawari et nous lançons des feux d'artifice partout dans le pays, montrer à l'ONI que nous sommes toujours là, unis. C'est une belle légende, grand-père. Et es-tu sûr que c'est la vraie ? Je suis certaine de n'avoir jamais entendu parler de Kurotama ou de la princesse Himawari. Qui sait, ma princesse ? Qui sait ? Bon. Bien, grand-père. Moi aussi, j'ai envie de lancer des fleurs.